Hey man, sois donc cool, si tu veux manger quelque chose de bon, faut que tu t'achètes une rampe à fromage, et puis tu rampes sans cesse ton fromage, sur la pâte de ta pizza, dans la sauce de ta poutine. Oh, rampe ton fromage, parmesan ou cottage, rampe ton fromage, mozzarella ou cheddar, rampe ton fromage, pendant qu'il y en a, rampe ton fromage, fille ou gars, rampe ton fromage.